Salut à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Cayenne, comme chaque lundi sur radio.antirep.net. Et c'est l'heure du quatrième épisode de la chronique sur la surveillance numérique. Aujourd'hui, c'est pas moi qui raconte tout, et on va pas parler que de numérique. On va d'abord entendre des bouts de commissions à l'Assemblée et au Sénat qui nous parleront de l'appli Stop Covid, mais aussi des brigades sanitaires. Puis on ira écouter un extrait de l'émission Privée de sortie à Marseille pour une lecture de l'arpentage fait par FAI Maison autour du rapport de Mounir Majoubi, sorti il y a 2 semaines et qui détaille les objectifs et les possibilités en matière de flicage numérique. Et enfin, on écoutera les arguments de la Quadrature du Net pour rejeter l'application. Commençons donc par ce petit tour à l'Assemblée et au Sénat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous vous asseyez. Asseyez-vous. Asseyez-vous immédiatement. Regagnez votre place. La semaine dernière, entre autres sujets, le Sénat et l'Assemblée ont causé de tracking dans le cadre du déconfinement progressif qui débuterait le 11 mai. Le storytelling du gouvernement, en gros, ça ressemble à ça. On est en retard sur le virus, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas encore. On va quand même sortir très progressivement du confinement, mais pour ça, il faut qu'on connaisse mieux l'épidémie et qu'on la contrôle. Comme c'est un virus qui va très très très très vite, alors il nous faut du numérique pour aider. Mais bon, c'est pas un outil magique non plus. Du coup, il faut aussi des humains et des humaines pour faire le travail que les algorithmes ne font pas. Donc il faut faire une brigade sanitaire d'environ 30 000 personnes pour traquer l'épidémie. Mais ces brigades, c'est pas magique non plus. Il leur faut des outils numériques pour aller plus vite. Bon, je vais pas tout vous faire écouter des commissions. Je vous ai juste découpé quelques morceaux. On va commencer par Jean-François Delfraissy, qui est président du Conseil scientifique et qui parle d'une nécessaire brigade sanitaire chargée de repérer les malades et de traquer leurs contacts. C'était à la Commission des lois du Sénat, mercredi 15 avril, dans le cadre des auditions sur les mesures de traçage numérique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qui a été fait réellement en Corée? Le fantasme un peu de la Corée, qui pourrait suggérer au grand public que, voilà, avec le numérique, on va tout régler. La réponse est non. En Corée, ils avaient une armada, une brigade de 20 000 personnes qui étaient là pour traquer, entre guillemets, immédiatement aller repérer la personne, traquer ensuite, avec l'outil numérique en partie, les contacts, prendre cette personne, regarder son statut, regarder si elle pouvait rester en famille ou si elle pouvait ensuite aller, si elle devait être isolée. C'est-à-dire, c'est de l'humain qu'il y a derrière. Bon, ça, nous ne l'avons pas en France. Hein. C'est-à-dire, si on veut utiliser le numérique, il faut qu'il y ait cette brigade, entre guillemets, on peut l'appeler autrement, hein, une plateforme, etc. Nous ne l'avons pas en France. Et si on ne l'a pas en France, ça ne marchera pas. On écoute maintenant Emery Lohang, lors de la même audition. Emery Lohang, il fait partie du conseil scientifique, mais c'est aussi la personne qui coordonne les projets numériques dans le cadre du Covid-19 auprès du gouvernement. Il donne ici un exemple concret d'un village de 200 habitants-habitantes où très peu de monde aurait installé l'appli, mais heureusement que la brigade et ses équipes très mobiles et très agiles peuvent venir récolter des renseignements. Et puis, il se garde bien de nous dire quel statut pour ces brigades, à quelles données elles auront accès, si elles ont accès à des fichiers de police, des dossiers médicaux ou encore des données issues de la téléphonie mobile ou du trafic Internet. Et les données récoltées, où est-ce qu'elles sont stockées? Quelles en sont les conditions d'accès? Bon allez, imaginons quand même. Imaginez, prenons un village en Haute-Savoie, par exemple, de 200, 300, 400 habitants, où finalement, assez peu de gens l'auraient installé, pour plein de raisons, soit parce que ils sont en incapacité de l'installer, ils n'ont pas de smartphone ou ils ne comprennent rien, ils n'ont pas confiance, c'est leur choix, et que quelques personnes seulement l'auraient installé, notamment les plus connectés, ceux qui se déplacent tous les jours, qui vont travailler en dehors de leur village. Voilà. Le simple fait que ces personnes-là, imaginez par exemple, hein, je vais essayer d'être très concret, hein, on réfléchit ensemble. Si un habitant de ce village a passé sa journée dans la grande ville à côté à travailler, etc., il a respecté les gestes barrières. Puis malencontreusement, il a eu un contact trop prolongé, il a subi un contact trop prolongé avec quelqu'un. Voilà. Et il revient dans son village, il poursuit sa vie. Et puis pareil, au sein du village, les gestes barrières ne sont pas forcément très bien respectés et les gens ne peuvent pas s'empêcher de se saluer et d'un peu trop près, etc. Bon, Imaginons que 3 jours après, en fait, la personne avec qui ce villageois avait été en contact devient et testée positive. Lui le saura. Lui pourra appeler les autorités sanitaires ou son médecin et le prévenir. Et les autorités sanitaires, dans le respect de l'anonymat de ce patient, de cette personne, pourront savoir que dans ce village, il y a quelqu'un qui est un cas contact et qui est peut-être positif et qui a lui-même contaminé tout le monde. Donc, même si les autres n'ont pas de smartphone, ça permettra quand même à cette force sanitaire, à des équipes très mobiles, très agiles, d'intervenir et d'être extrêmement vigilante, voire de venir faire des enquêtes manuelles en disant qui vous avez croisé, est-ce que vous avez parlé à ce monsieur, etc. Voilà. Et là, on fait le travail. Alors, à un moment, oui, tout n'est pas anonyme. Hein. Je ne parle pas de l'application, mais je parle de travail d'enquêteur sur le terrain. Et à un moment, il faut bien que les gens parlent. Sinon, il ne se passe rien. Si personne ne dit rien, on ne peut rien faire. Cédric O, pour sa part, était auditionné vendredi 17 avril en tant que secrétaire d'État au numérique par la Commission des affaires économiques. Lui aussi évoque les fameuses brigades chargées de faire des enquêtes sanitaires, même s'il appelle ça autrement. La grande réussite de la Corée du Sud et de l'Allemagne, c'est-à-dire cette capacité à intervenir extrêmement vite, de manière quasiment industrielle, avec d'abord des enquêtes sanitaires faites à la main. Le professeur Delfrécy évoquait les 20 000 ETP coréens qui ne sont dédiés qu'à ça. Et donc, le sujet de l'application Stop Covid est de venir en plus. Concernant l'application en elle-même, Cédrico nous la pitch, toujours à l'Assemblée. Les gens ne se souviennent pas de toutes les personnes qu'ils ont croisées, notamment sur 14 jours. Alors, en confinement, c'est un peu plus facile. Mais quand vous êtes dans la vraie vie, faites-moi la liste intégrale de toutes les personnes que vous avez, rencontrées à moins de 2 mètres pendant plus de 5 minutes sur les 14 derniers jours. Je vous invite à faire l'exercice. C'est assez compliqué. Par ailleurs, si vous êtes passé dans un avion, on s'est retrouvé les adresses e-mail des gens qui sont dans l'avion. Mais si vous êtes passé dans un bus, on ne sait pas les retrouver. Si vous êtes passé dans un train, on a du mal. Si vous êtes passé dans un métro, on a du mal. On ne sait pas le faire. Et donc, l'application vient en surcroît du travail manuel effectué par les enquêteurs sanitaires. Mais l'avantage de l'application, si vous êtes dans un bus, et si peut-être qu'une personne sur deux ou une personne sur trois autour de vous a l'application, notamment parce que les bus et les métros, c'est plus dans les villes et que, évidemment, le taux de smartphone est plus important dans les villes. Eh bien, les personnes qui étaient autour de vous, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vont recevoir de manière totalement anonyme une notification qui leur dit, il y a un risque, vous présentez un facteur de risque, veuillez aller vous faire tester. Et tout le monde le répète, l'appli, elle est anonyme. Personne ne sait rien. On écoute une nouvelle fois Emery Loang qui nous l'assure et Cédric O qui nous en fait une démonstration concrète. Il suffit de transmettre au serveur les identités anonymes des personnes qu'il faut notifier. Voilà. Je sais que c'est un point un peu difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on leur notifie à ces personnes alors ? On leur notifie qu'elles ont été en contact qualifié avec quelqu'un qui vient d'être testé positif. Elles ne savent pas qui c'est. D'ailleurs, le serveur non plus ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, puisque le GPS ne marche pas. On ne sait rien à part la seule information qui compte sur un plan sanitaire, qui est que je suis peut-être positif. D'abord, j'entends le terme de tracking. Soyons très clairs. Il n'y a pas de tracking. Je vais peut-être revenir sur la manière dont les choses fonctionnent pour bien qu'on comprenne. Je suis avec le président Lescure. Nous avons, physiquement, hein, nous avons tous les deux l'application sur notre téléphone que nous avons choisi volontairement de télécharger. Donc, nous sommes allés volontairement sur l'App Store ou sur Google Play. Nous avons tapé Stop Covid. Nous avons appuyé sur télécharger. J'ai téléchargé, j'ai installé sur mon téléphone. Lorsque je croise le président Lescure, disons pendant plus de 5 minutes à moins de 2 mètres, mon téléphone enregistre la clé du président Lescure sur mon téléphone et réciproquement. Demain, je vais me faire tester. Un professionnel de santé me certifie que je suis testé positif. Je peux me déclarer dans l'application « Je suis positif ». Une notification est envoyée au président Lescure disant « L'un de vos contacts que vous avez croisé dans les 15 derniers jours a été testé positif. Veuillez aller vous faire tester ». Le président Lescure ne sait pas quel est son contact, n'a aucune obligation d'aller se faire tester, ne sait pas qui sont les personnes qui sont enregistrées dans son téléphone, et moi non plus. Et d'ailleurs, j'abonde là-dessus, personne ne sait rien. L'État ne sait rien, le système de santé ne sait rien, tout est crypté et anonymisé. Personne ne sait rien, personne n'a accès à rien, et la seule information qui est disponible, c'est que lorsque vous avez été en contact, parfois sans le savoir, avec une personne testée positive, vous recevez une notification qui vous dit d'aller vous faire tester, vous en faites ce que vous voulez. Et si vraiment vous doutiez encore de la pertinence de l'outil, sachez que vous pouvez au moins lui faire confiance, puisqu'elle est open source. J'entends parfois dire qu'il ne s'agit pas d'un problème technique, mais d'un problème politique. Les choix techniques que nous faisons emportent des conséquences politiques. Et il faut être capable de s'assurer techniquement que ce que nous disons est vrai pour que le problème politique soit levé. Et dès lors que ce que nous disons techniquement est assuré, et cela pourra être prouvé par tout le monde puisque le code de l'application sera public. Donc n'importe quel informaticien pourra vous certifier que ce que vous dit le gouvernement sur le fonctionnement de l'application est vrai. Dès lors que ce que nous disons et les lignes rouges que nous mettons sont vraies et certifiées, alors je le dis de la manière la plus candide possible, il n'y a aucun problème de liberté publique avec cette application telle qu'elle est conçue. Aucun. Si tout ça ne vous a toujours pas convaincu, Cédric O vous parle avec ses tripes. Il y a une condition, c'est que ça respecte nos droits. Qu'on ne lâche pas, lâche rien sur la liberté publique. Mais, pardon de le dire avec beaucoup d'engagement, parce que ça me tient à cœur, je n'ai aucune appétence pour les solutions liberticides, pour l'amour de la technologie. Mais on parle d'éviter que l'épidémie ne reparte. Donc en gros, moi, ce que je retiens de ces auditions, c'est qu'on va se taper une brigade de renseignement sanitaire de 30 000 enquêteurs qui auront accès à des données et en récolteront d'autres, et que ça sera pas anonyme. Mais que quand même, on devrait être content, tellement content, parce qu'on vit dans un pays tellement libre que même l'application qui nous trace, elle est libre. T'es libre d'aller en lire le code source ou pas, t'es libre de l'installer ou pas, t'es libre de te déclarer positif au Covid-19 ou pas, t'es libre de suivre les recommandations de l'appli ou pas. Allez, on va quitter ces endroits et ces personnes plus que désagréables pour écouter d'autres voix. On commence par une petite pause musicale avec les Brochettes et une chanson qui s'appelle « Après la guerre ». Dans mon avion bleu et gris, je chassais dans les nuages un impossible ennemi qui m'a pris en traître, comme c'est dommage. Il a ouvert le feu sur moi et je me suis retrouvée là, la tête dans les nuages, avec du sang qui coulait de mon front. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Et mon cockpit s'est embrasé, et mon visage s'est enflammé, mes cordes vocales se sont brisées, tandis que mon avion tombait. Je me suis échappé dans les airs et me suis mise à voler, sans un bruit, le corps en l'air, suspendu à un morceau de tissu. Après la guerre, je serai une grande vedette. Après la guerre, je serai une grande vedette. Résiste sur Radio Canyon. Suis ton cœur qui insiste sur Radio Canyon. Ce monde n'est pas le tien. Viens, voici et persiste sur Radio Canyon. Résiste, oui, sera nous Cayenne. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Cayenne, comme chaque lundi sur radio.antirep.net. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission privée de sortie a enregistré la lecture d'un arpentage de FAI Maison autour du rapport de Mounir Majoubi sur le traçage des données mobiles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'arpentage date d'il y a 8 jours et les questions posées restent d'actualité, alors on voulait vous le faire écouter. Privée de sortie, l'émission des confinés de Marseille. Jeudi 9 avril 2020, nous avons organisé une lecture et une analyse collective du rapport de Mounir Majoubi, intitulé « Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 », une note parlementaire publiée et transmise le 6 avril 2020 aux députés. Nous sommes 9 membres de FAI Maison, un fabricant d'accès à Internet associatif nantais. Nous avions envie de vous partager ce que nous avons retenu de ce rapport d'une quarantaine de pages. Privé de sortie, tous les jours à 16h sur Radio Galère. Ce document, le rapport Mounir Majoubi, fait un état des lieux du pistage des populations par le biais des smartphones pendant la pandémie, en s'appuyant notamment sur ce qui se passe à l'étranger. Mounir Majoubi, l'auteur du rapport, y recense 3 objectifs distincts. 1. L'observation des pratiques collectives de mobilité et de confinement, comme la cartographie des déplacements de population. 2. L'identification des sujets dits contacts, ce qu'on appelle le backtracking ou contact tracking. Et 3. Le contrôle des confinements individuels. Plusieurs technologies y sont évoquées, le bornage téléphonique, les applications GPS, des applications Bluetooth, les systèmes de cartes bancaires et de transport, la vidéosurveillance dotée ou non d'intelligence artificielle. Pour chaque objectif sont déclinées les différentes technologies possibles et y sont analysées les potentiels et les limites. Il est largement question d'applications utilisant le Bluetooth du téléphone. Leur but serait de savoir si notre téléphone a été à proximité du téléphone d'une personne infectée et d'en être informé. Ce type de système nous a questionnés à plusieurs titres. Tout d'abord, le rapport précise que l'efficacité de ce type d'outil sécuritaire n'est pas prouvée. De façon plus globale, le rapport ne mentionne que peu cette question et évoque un vague contrôle citoyen. Extrait du rapport. Les applications Bluetooth n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité sanitaire. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies ont pour clé de voûte l'acceptation populaire. Celle-ci repose sur plusieurs exigences, dont une proportionnalité des méthodes objectifs, une pleine transparence des pratiques et notamment des codes informatiques et une véritable gouvernance indépendante de contrôle en capacité d'évaluer efficacement et à tout moment les pratiques et leurs performances sanitaires. On apprend dans le rapport qu'il faut que 60% de la population soit équipée de l'application Bluetooth pour espérer en voir des effets. La France compterait un taux d'équipement de smartphone à hauteur de 80%. On comprend alors que l'on atteindra très difficilement 60% d'installation de ce genre d'application si on se base sur le simple volontariat. Les hypothèses avancées pour augmenter le taux d'équipement de la population seraient de passer à une phase de promotion, ou plutôt disons de propagande dans les médias, l'utilisation de personnes faisant autorité, notamment les professionnels de santé, d'utiliser des méthodes coercitives carrément, voire d'imposer l'installation de l'application en demandant de l'aide aux éditeurs de systèmes d'exploitation comme Google pour Android, Apple pour iOS ou même aux opérateurs mobiles. Comment fonctionne ce genre d'application ? En fait, elle garde la liste des identifiants des téléphones mobiles qui ont été proches les uns des autres en les communiquant via Bluetooth. Dans le rapport, il est mis en évidence que l'identité du propriétaire du téléphone et que les informations personnelles ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'application. Un simple identifiant unique par mobile est utilisé. Une liste de questions arrive. Combien de personnes portent le téléphone d'un autre ou d'une autre ? On peut donc en conclure que quand bien même l'identifiant est porté par un téléphone, on identifie assez fortement la personne porteuse elle-même. Quid aussi du fait qu'on oblige les gens à avoir le Bluetooth allumé en permanence, alors que d'une part ça peut poser problème en termes de sécurité, et d'autre part que cette technique est utilisée par les professionnels du marketing pour nous suivre à la trace. En plus de cette efficacité non prouvée, le rapport souligne d'autres problèmes, comme le faux sentiment de sécurité qui en découle. Une personne peut se retrouver dans une zone infectée, mais sans qu'un téléphone équipé ne soit présent. Le risque est donc là, mais l'application ne sert à rien. Et puis, l'anxiété générée due au fait que nous pouvons être notifiés à tout moment lors d'une possible infection. Avant même l'utilisation d'applications mobiles, il a déjà été envisagé de tracer les personnes via leur opérateur mobile, en requérant les factures détaillées, ce qu'on appelle les FADET, mais aussi l'historique de géolocalisation enregistrée par les antennes relais. Ça s'appelle le bornage, et c'est ce bornage qui permet le fameux backtracking. C'est le cas, entre autres, en Allemagne, ce qui a suscité un tollé. L'idée d'une application exploitant le Bluetooth émerge alors, avec l'aide d'autres partenaires européens. Un des critères d'acceptabilité serait de la rendre open source, que le code puisse être consulté par toutes et tous. Quand bien même l'application serait open source, ça ne la rendrait pas plus acceptable. Ce genre d'outil rejoint la longue liste des dispositifs techno-solutionnistes très dangereux du point de vue des libertés publiques et individuelles. Les bénéfices sont douteux et les menaces pour la population sont bien réelles. Le rapport ajoute que ce genre d'application ne serait efficace que couplé avec des tests de dépistage massif, ce qui est attendu depuis le mois de janvier en France. Se pose aussi la question du libre consentement d'avoir nos données traitées et nos vies tracées. Que restera-t-il comme activité libre pour les personnes refusant légitimement d'être équipées de tels dispositifs ? Comme les lois sécuritaires du terrorisme ont servi à assigner à résidence des militants écologistes, l'urgence sanitaire ne permettra-t-elle pas de confiner à demeure des groupes politiques, syndicaux, en fonction de leurs croyances, de leur orientation sexuelle ou autre ? Quelles sont les garanties sur la fin de mise en place de ce dispositif ? Existe-t-il un contre-pouvoir pour surveiller la mise en place de ce dispositif ? Quelles seront les garanties de voir désinstaller cette application après la crise sanitaire ? Comment garantir que la finalité n'évoluera pas dans le temps ? Dérive étatique pour confiner des personnes sous prétexte sanitaire en fonction de leur sensibilité politique, de leurs croyances, de leur orientation sexuelle, encore une fois. Les moyens techniques sont déjà là. Il suffit de les exploiter de façon plus importante qu'aujourd'hui, notamment en ajoutant des passerelles entre les acteurs privés qui collectent ces informations et l'État. Extrait du rapport. Pour fonctionner, de nombreuses applications mobiles récupèrent et stockent les coordonnées GPS de leurs utilisateurs. Il en va ainsi d'applications populaires telles que Google Maps, Waze, Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Lime. Les historiques ainsi constitués par les applications les plus utilisées peuvent ainsi être agrégés et anonymisés pour témoigner de mouvements de population à l'échelle d'un continent, d'un pays, d'une ville ou d'un quartier. La question des libertés individuelles, de libre circulation et de rassemblement passe très au second plan en raison de la gravité de la situation sanitaire. Nous sommes face à de simples promesses d'utiliser ces dispositifs uniquement pour notre bien. L'histoire, y compris récente avec l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence lié au terrorisme, nous démontre qu'on ne doit pas faire confiance à ces discours et que ces outils de contrôle social continueront très probablement à être utilisés après la crise actuelle. Extrait du rapport. Pour l'État, l'enjeu de données fiables et détaillées sur les mouvements de population est double. À l'échelle nationale et régionale, adapter par anticipation les capacités médicales, sociales et sécuritaires en fonction du nombre réel de personnes présentes à un endroit donné. À l'échelle d'un quartier, détecter les espaces publics anormalement fréquentés en temps de confinement pour permettre d'adapter localement les réponses sociales, sanitaires et sécuritaires. Nous savons également qu'avoir un discours qui ne va pas dans le sens de plus de sécurité est difficilement audible. C'est déjà le cas dans un contexte terroriste, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de santé ou de vie à sauver. Alors, quelle porte de sortie ? Selon nous, il faut tester et dépister la population. Il faut des moyens de se protéger, des masques, du gel hydroalcoolique et du savon. Il faut une prise de conscience que chaque geste d'hygiène contribuant à retarder le virus donne plus de chances à nos hôpitaux de pouvoir suivre la cadence. Et il faut plus de moyens pour l'hôpital public. À la lecture de ce rapport, on peut voir que la peur semble pouvoir tout justifier. En particulier, que peut-on opposer lorsqu'il s'agit de sauver des vies ? Pour autant, il n'est fait mention nulle part d'une réelle efficacité de tels outils de contrôle sur la lutte contre la diffusion du virus. Extrait du rapport. Dans certains pays, les dispositifs étatiques de collecte et de traitement massif de données sans consentement des utilisateurs ont été mis en place dans le cadre de mesures exceptionnelles. L'efficacité réelle de ces dispositifs reste à ce jour mal évaluée. Nous avons également remarqué l'utilisation de nombreux éléments de langage destinés à aseptiser la réalité. Par exemple, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud exploitent de nombreux leviers technologiques, parfois avec succès, mais en questionnant les libertés. Des questions sur la réalité de l'anonymisation des données restent en suspens. Ainsi, dans le cas de l'utilisation via Bluetooth, sachant que chaque téléphone a un référent unique, une plaque d'immatriculation, comment garantir que les données ne seront pas liées à une personne physique ? En outre, l'anonymisation des données de géolocalisation est aussi questionnable, la géolocalisation dit où nous habitons par exemple. De même, l'utilisation de détection en champ proche de deux appareils permet, en partant d'un téléphone donné, de savoir à quelle distance probable se trouve leur porteur. Un appareil croisé il y a 10 minutes est forcément proche de l'appareil observé, par exemple. Tel que présenté par nos gouvernements et relayé par nos médias, ces solutions de pistage semblent rencontrer un large écho favorable auprès de la population. Comment penser autrement lorsqu'elles sont présentées comme l'unique solution viable pour sortir du confinement ? Il est probable que plus le temps passe, plus la population se saisira de la première solution à portée de main pour se déconfiner, sans réflexion préalable. C'est pourquoi il convient de défaire cet argumentaire fallacieux et orienté en expliquant que d'autres solutions peuvent permettre de sortir de cette situation. Sachez qu'entre le moment de notre analyse du texte et maintenant, Google et Apple ont annoncé qu'ils allaient unir leurs efforts avec une techno-solution commune. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire l'éditorial de Serge Halimi qui permet de comprendre dans quoi cette volonté de tracer les populations s'inscrit, quelles sont les extensions possibles et aussi d'apprendre que ce genre de dispositif mis en place lors de moments particuliers reste toujours après que ces événements soient passés. Ce sont donc des menaces durables une fois qu'elles sont là. Arpentage du rapport de Mounir Marjoubi sur le traçage des données mobiles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, proposé par FAI Maison de Nantes. Privé de sortie, l'émission des confinés de Marseille. Un autre texte que je voulais partager avec vous, c'est celui que la Quadrature du Net a publié le 14 avril et qui est une série d'arguments pour rejeter l'application. Hier, Emmanuel Macron a invité le Parlement à débattre de l'éventuelle application Stop Covid développée par son gouvernement. Nous venons d'envoyer aux parlementaires le résumé de nos arguments, tel que repris ci-dessous. L'application Stop Covid serait inutile, dangereuse pour nos libertés et pourrait même aggraver la situation sanitaire. L'administration et le Parlement doivent cesser d'investir toute ressource humaine ou économique dans ce projet vain et dangereux. L'urgence est partout ailleurs. Une efficacité hasardeuse. Utilisation trop faible. De premières approximations évaluent que plus de 60%, voire plutôt 80 ou 100% de la population devrait utiliser l'application pour que celle-ci soit efficace, à condition encore qu'elle produise des données fiables. Seulement 77% de la population française a un smartphone, et cette proportion baisse à 44% pour les personnes de plus de 70 ans, alors qu'elles sont parmi les plus vulnérables. Beaucoup de personnes ne savent pas forcément activer le Bluetooth et certaines refusent de le maintenir activé en permanence pour des raisons pratiques, batterie et pour se protéger d'usages malveillants. 16% de la population de Singapour a utilisé l'application équivalente, ce qui n'a pas empêché de devoir finalement recourir au confinement. Résultat trop vague. Il faut redouter que la population n'ait pas accès à des tests de façon assez régulière pour se signaler de façon suffisamment fiable, et se reposer uniquement sur l'autodiagnostic risquerait de faire exploser le nombre de faux positifs. Il semblerait qu'il n'y ait aucun consensus quant à la durée et la distance de proximité justifiant d'alerter une personne entrée en contact avec une autre personne contaminée. À certains endroits très densément peuplés, certains quartiers, certaines grandes surfaces, certaines grandes entreprises, on assisterait à une explosion des faux positifs, ce qui rendrait l'application inutile. Le champ de détection du Bluetooth semble beaucoup trop varié d'un appareil à un autre, et sa précision n'est pas forcément suffisante pour offrir des résultats fiables. Contre-efficacité sanitaire. En créant un faux sentiment de sécurité sanitaire, l'application pourrait inciter à réduire les gestes barrières tout en échouant à lancer des alertes suffisamment fiables. Son développement requiert une énergie et un coût qui ne sont pas investis dans des solutions plus efficaces comme la production de masques, le dépistage de la population ou la promotion des gestes barrières. le déploiement de systèmes de surveillance augmenterait le sentiment de défiance déjà important d'une partie de la population à l'égard de l'État. Ne sachant pas s'ils peuvent faire confiance au système mis en place, les potentiels malades pourraient se trouver incités à cacher leurs symptômes aux services de santé par peur de conséquences négatives. Des libertés inutilement sacrifiées. Discrimination. Que ce soit en la rendant obligatoire ou par une pression sociale trop importante, les personnes n'utilisant pas l'application risqueraient de ne plus pouvoir travailler ou accéder à certains lieux publics librement, rendant leur consentement non libre et donc nul. Une hypothèse de discrimination particulièrement grave serait de faciliter l'accès aux tests sérologiques pour les personnes utilisant l'application. Surveillance. Dans le cas où l'application serait adoptée par une partie de la population, il faut redouter que le gouvernement puisse l'imposer plus facilement au reste de la population contre sa volonté. Nous constatons que toutes mesures sécuritaires et liberticides prises dans les temps d'urgence n'ont jamais été remises en cause. C'est l'effet cliquet qui participe à la défiance justifiée contre ces solutions de contrôle. L'objectif de l'application, alerter des personnes ciblées, est par essence incompatible avec la notion juridique d'anonymat. Il s'agit au mieux d'un pseudonymat qui ne protège pas contre tout type de surveillance individuelle. La publication du code de l'application sous une licence libre, ainsi que l'utilisation de méthodes de compilation reproductibles, seraient des exigences indispensables contre ces abus, mais elles-mêmes insuffisantes. Acclimatation sécuritaire. Personne n'est capable de dire à l'avance pendant combien de temps l'application serait déployée. Une fois l'application déployée, il sera plus facile pour le gouvernement de lui ajouter des fonctions coercitives, contrôle individuel du confinement par exemple. L'application incite à soumettre son corps à une surveillance constante, ce qui renforcera l'acceptabilité sociale d'autres technologies comme la reconnaissance faciale ou la vidéosurveillance automatisée, qui sont actuellement largement rejetées. Le solutionnisme technologique. L'application renforce la croyance aveugle dans la technologie et la surveillance comme principale réponse aux crises sanitaires, écologiques ou économiques, alors qu'elle détourne au contraire l'attention des solutions, recherche scientifique, financement du service public, etc. L'utilisation d'une application dont les objectifs, les techniques et les conditions même d'usage portent des risques conséquents pour notre société et nos libertés, pour des résultats probablement médiocres, voire contre-productifs, ne saurait être considéré comme acceptable pour nous. Le temps médiatique, politique et les budgets alloués à cette fin seraient mieux utilisés à informer et protéger la population et les soignants-soignantes, par des méthodes à l'efficacité prouvée, telles que la mise à disposition de masques, de matériel médical et de tests. Soon and I left so hard that the walls cave in. Then I'll die three times and be born again in a little box with a golden key and a flying fish will set me free. Soon the space will be too small. All my veins and bones will be burned to dust. You can throw me into a black iron pot, and my dust will tell what my